Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nous allons voir comment comprendre le sens de l'adoration en islam. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Sourate 51, verset 56. Shir al-Islam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: l'adoration désigne l'obéissance à Allah en obtempérant aux ordres divins exprimés par l'intermédiaire des messagers. Et il dit: l'adoration est un nom comportant toutes les paroles et tous les actes apparents et internes que le Seigneur aime et agrée. Shir Ibn Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: l'adoration est composée de 15 règles. Quiconque les applique aura atteint les degrés de la servitude. Car l'adoration est répartie entre le cœur, la langue et les membres du corps. Les degrés de la servitude sont au nombre de 5. Obligatoire, agréable, licite, détesté, permis. Elles sont propres à chacun des organes précités, le cœur, la langue et les membres. Shir al-Qurtubi, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit: l'adoration a pour origine l'humilité et la soumission. Shir ibn Kathir, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: l'adoration d'Allah désigne son obéissance en exécutant ce qu'il ordonne et abandonnant ce qu'il interdit. Ali ibn Abi Talib, qu'Allah l'agrée, a dit: il n'a créé les djinns et les humains que pour leur donner l'ordre de l'adorer et les exhorter à son adoration. Source tirée du livre Fath al-Majid, page 15. Les conditions de l'adoration. Les conditions de l'adoration sont au nombre de 3. La première, c'est la sincérité de la détermination, qui est une condition de l'existence même de l'adoration. Explication: c'est le fait d'abandonner la paresse et la négligence, et de s'efforcer de confirmer sa parole par son acte. Allah dit: ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est une grande abomination auprès d'Allah que de dire ce que vous ne faites pas. Sourate 61, verset 2. La deuxième, c'est la sincérité de l'intention. Explication: c'est que le but du serviteur soit la recherche de la face d'Allah à travers l'ensemble de ses dires et de ses actes, tant cachés qu'apparents. Allah le Très-Haut dit: et auprès de ceux de qui personne ne profite d'un bienfait intéressé, mais seulement pour la recherche de la face de son Seigneur le Très-Haut. Sourate 92, verset 19-20. Allah dit: c'est pour le visage d'Allah que nous vous nourrissons, nous ne voulons de vous ni récompense ni gratitude. Sourate 76, verset 9. Il dit aussi: quiconque désire labourer le champ de la vie future, nous augmenterons pour lui son labour. Quiconque désire labourer le champ de la présente vie, nous lui en accorderons de ses jouissances, mais il n'aura pas de part dans l'au-delà. Sourate 42, verset 20. Et enfin la troisième, la conformité à la loi divine, à laquelle Allah le Très-Haut a ordonné d'adhérer seul. C'est la religion pure, al-Hanifiyya, qui est celle d'Ibrahim, que la paix soit sur lui. Allah le Très-Haut dit: certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Sourate 3, verset 19. Allah le Très-Haut dit: désire-t-il une autre religion que celle d'Allah, alors que se soumettent à lui, bon gré mal gré, tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre, et que c'est vers lui qu'ils seront ramenés? Sourate 3, verset 89. Allah le Très-Haut dit: qui donc aura en aversion la religion d'Abraham, sinon celui qui sème son âme dans la sottise? Car très certainement, nous l'avons choisi en ce monde et dans l'au-delà. Il est certes du nombre des gens de bien. Sourate 2, verset 130. Allah le Très-Haut dit: et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Sourate 3, verset 85. Il dit encore: ou bien auraient-ils des associés à Allah qui auraient établi pour eux des lois religieuses qu'Allah n'a jamais permises? Sourate 42, verset 21. Source, livre La croyance du musulman de Shir al-Hafiz al-Hakami, page 17, 18, 19, 20. L'adoration, sa signification et son caractère exhaustif. Premièrement, la signification de l'adoration. L'origine du terme adoration, al-Ibada, est l'humilité et la soumission. Dans la terminologie islamique, elle a plusieurs définitions qui se rejoignent toutes parmi celles-ci. Petit a, l'adoration est l'obéissance à Allah, en se conformant à ce qu'Allah a ordonné par l'intermédiaire de ses messagers. Petit b, L'adoration signifie de même le fait de faire preuve d'humilité envers Allah. Elle est donc le summum de l'humilité accompagné du summum de l'amour. Néanmoins, la définition la plus complète est: l'adoration est un terme englobant tout ce qu'Allah aime et agrée, que ce soit au niveau des paroles ou des actes extérieurs ou intérieurs. Voir Fath al-Majid, l'explication d'Ibn Taymiyyah. Elle concerne aussi bien le cœur et la langue que les membres. La crainte et l'espérance, l'amour et la confiance, le désir et l'appréhension par exemple, sont des adorations du cœur. Le fait de dire Subhanallah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, ainsi que la louange et la gratitude exprimées par la langue et le cœur, sont des adorations à la fois de la langue et du cœur. La prière, l'impôt légal, le pèlerinage et le combat dans le sentier d'Allah constituent des adorations corporelles et du cœur. Et d'autres nombreuses sortes d'adorations qui requièrent à la fois la participation du cœur, de la langue et des membres. L'adoration est la finalité pour laquelle Allah a créé ses créatures. Allah dit « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent » Sourate 51, verset 56. « Je ne cherche pas d'eux une subsistance et je ne veux pas qu'ils me nourrissent » Sourate 51, verset 57. En vérité, c'est Allah qui est le grand pourvoyeur, le détenteur de la force, l'inébranlable. Sourate 51, verset 57. Allah le Très-Haut nous a informé que la sagesse pour laquelle les djinns et les hommes furent créés est qu'ils s'acquittent de l'adoration qui lui est due, même s'il n'en a nul besoin. En effet, ce sont ces créatures qui ont besoin de vouer leur adoration à Allah, vu leur état de nécessité vis-à-vis de lui. Ils l'adorent en se conformant à sa législation, et quiconque dédaigne adorer Allah est arrogant. Quiconque l'adore et adore autre que lui est associateur. Quiconque, enfin, l'adore exclusivement, mais en ne se conformant pas à sa législation, est innovateur. Le véritable croyant monothéiste est donc celui qui l'adore seul, parce qu'il a légiféré. Deuxièmement, les catégories d'adoration et son caractère exhaustif. L'adoration est de plusieurs catégories. Elle regroupe toutes les sortes d'actes de dévotion qui se manifestent par la langue et les membres et qui ont pour origine le cœur, tels que le rappel d'Allah. Le fait de dire « Subhanallah, la ilaha illallah », la lecture du Coran, la prière, la zakat, le jeûne, le pèlerinage, le djihad, le fait d'ordonner le convenable et de condamner le blâmable, la bienfaisance à l'égard des proches, des orphelins, des nécessiteux et des voyageurs à court de moyens, ainsi que l'amour d'Allah et de son messager, la révérence pour Allah et le retour vers lui. De même lui vouer un culte exclusif, patienter par rapport à sa volonté, et agréer ses arrêts, placer sa confiance en lui, espérer sa miséricorde et craindre son châtiment. L'adoration englobe donc tous les faits et gestes du croyant, si son intention est de se rapprocher d'Allah ou d'y contribuer. Même les actes habituels, à partir du moment où l'on cherche à travers eux à se renforcer pour obéir à Allah comme le sommeil, se nourrir, boire, acheter et vendre, rechercher la subsistance et le mariage, ces actes de la vie de tous les jours accompagnés d'une intention de rapprochement deviennent des actes d'adoration, pour lesquels la personne est récompensée. On s'aperçoit que l'adoration n'est donc pas limitée aux actes des dévotions propres. Les composantes de l'adoration authentique. L'adoration repose sur trois fondements qui sont l'amour, la crainte et l'espérance. L'amour avec l'humilité, la crainte avec l'espoir, il est indispensable que ces éléments soient regroupés dans l'adoration. Allah le Très-Haut dit lorsqu'il décrit ses serviteurs croyants, « Il les aime et il l'aime » Sourate 5, verset 54. Allah le Très-Haut dit aussi, « Ceux qui croient sont les plus ardents en amour d'Allah » Sourate 2, verset 165. Ils concouraient en bien et nous invoquaient par amour et par crainte, et ils étaient humbles devant nous. Sourate 21, verset 90. Les prédécesseurs, les salafs, disaient « Celui qui adore Allah le Très-Haut uniquement avec l'amour est hérétique. Celui qui l'adore uniquement avec l'espérance est murji. Celui qui l'adore uniquement par la crainte est haruri. Celui qui l'adore avec amour, crainte et espoir est croyant monothéiste. » Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a cité cela dans son ouvrage « Al-Hubudiyya, la servitude ». La religion d'Allah est son adoration, son obéissance et la soumission à lui. L'adoration, Al-Hibada, signifie à l'origine l'humilité. On dit par exemple d'un chemin qu'il est « Muhabbad », s'il est emprunté et que les pieds le foulent. L'adoration qui est exigée regroupe la notion d'humilité et d'amour. Elle comprend le summum de l'humilité envers Allah et le summum de l'amour pour lui. On ne peut dire de celui qui se soumet à un homme tout en le détestant qu'il l'adore. De même, s'il aime une chose mais ne s'y soumet pas, il ne peut être considéré comme l'adorant. C'est le cas, par exemple, de l'amour porté par l'homme à son enfant ou son ami. C'est pour cela que l'amour seul ou l'humilité seule n'est pas suffisant dans l'adoration d'Allah. Mais il incombe qu'Allah soit plus aimé par ses serviteurs que tout autre, et qu'il soit plus vénéré par eux que tout autre. Nul n'a le droit à l'amour et à la soumission absolue, si ce n'est Allah. Tels sont les constituants sur lesquels repose la servitude. L'érudit Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit dans son poème Al-Nuniya, l'adoration du tout miséricordieux est son amour absolu avec l'humilité de l'adorateur. Ils constituent les deux pôles, c'est autour d'eux que gravite l'orbite de l'adoration. Elle ne le peut jusqu'à ce que les deux pôles soient en position. Leur axe est l'ordre du messager, et non les passions, l'âme ou le damné. Ibn al-Qayyim a comparé la gravitation de l'adoration autour de l'amour et l'humilité envers le bien-aimé, qui est Allah le Très-Haut, à celle de l'orbite autour de ses pôles. Il a insisté également sur le fait que la gravitation de l'orbite de l'adoration se fait autour de l'ordre de l'envoyé et de ce qu'il a légiféré, et non autour des passions et de ce qu'elles enjoignent l'âme et Satan, car cela n'est pas considéré comme adoration. Ce que le messager a légiféré est l'axe autour duquel gravite l'adoration, et non les innovations, les superstitions, les passions et l'imitation aveugle des ancêtres. La conception erronée de l'adoration. Les actes d'adoration ne le sont que par un texte révélé. En ce sens, aucune adoration n'est légale que si elle est instituée par une preuve du Coran ou de la Sunna. Tout ce qui ne remplit pas cette condition est considéré comme innovation rejetée, comme l'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Quiconque accomplit un acte à propos duquel il n'y a pas notre ordre, cet acte est rejeté, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. C'est-à-dire que son action n'est pas acceptée, il en retire même un péché, car il s'agit d'une désobéissance et non d'une obéissance. Il est important de savoir que la voie correcte à suivre dans l'accomplissement des actes d'adoration légaux est le juste milieu entre la négligence et la paresse, d'une part, et entre l'exagération et l'excès, d'autre part. Allah le Très-Haut dit à son prophète « Demeure sur le droit chemin, comme il t'est commandé, ainsi que ceux qui sont revenus à Allah avec toi, et ne commettez pas d'excès, car vraiment, il observe ce que vous faites. » Sourate 11, verset 112. Ce noble verset a tracé la voie correcte à suivre dans l'accomplissement des actes cultuels, et cela en s'en tenant dans la manière de les effectuer à la voie modérée qui ne comporte ni laisser-aller, ni excès, le tout conformément à la législation, comme il t'est commandé. Ensuite, le Seigneur a insisté sur cela en disant « Et ne commettez pas d'excès ». Le mot « at-turyan » dont est tiré le verbe dans le verset signifie le fait d'outrepasser les limites par un rigorisme outrancier ou un excès de zèle, qui est l'excès. Lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, apprit que trois de ses compagnons augmentèrent leurs actions à tel point que l'un d'eux dit « Pour ma part, je m'engage de passer toutes mes nuits en prière », l'autre dit « Et moi je m'engage à jeûner sans interruption toute ma vie », l'autre enfin dit « Moi je m'engage à ne jamais me marier ». Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur dit alors « En vérité, par Allah, je crains Allah bien plus que vous, mais je jeûne un temps et je mange un autre. Je prie une partie de la nuit et j'endors une autre, et j'épouse les femmes. Celui qui se détourne de ma voie n'est pas de ma communauté. » Rapporté par Muslim. On dénombre de nos jours deux catégories de personnes se situant à deux opposés concernant l'adoration. La première catégorie a restreint la notion d'adoration et fait preuve de négligence dans son accomplissement jusqu'à délaisser beaucoup de ses facettes. Elle l'a réduite à certaines pratiques limitées et quelques actes cultuels qui s'effectuent dans la mosquée uniquement. Pour cette catégorie de personnes, il n'y a plus de place pour l'adoration à la maison, ni au travail, ni dans le commerce, ni dans la rue, ni pour les différents, et ainsi de suite dans tous les domaines de la vie. Il est clair qu'il y a un mérite particulier attaché à la mosquée, et qu'il faut entre autres y accomplir les 5 prières. Mais l'adoration englobe la vie entière du musulman, aussi bien à l'intérieur de la mosquée qu'à l'extérieur. La deuxième catégorie a fait preuve d'un rigorisme outre mesure dans l'accomplissement des actes d'adoration jusqu'à en être arrivée à l'extrémisme. Elle a élevé les actes recommandés au degré d'actes obligatoires, a interdit certaines choses licites et a catalogué comme égaré et dans l'erreur quiconque va à l'encontre de sa voie et la considère comme incorrecte. La meilleure des voies est certes celle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et la pire des choses est l'innovation, bid'a, dans la religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: prenez garde à l'extrémisme dans la religion, car ce qui a perdu les gens avant vous, c'est l'extrémisme dans la religion. Rapporté par Ahmed, Nasa'i et Ibn Majah. Et Allahu a'lam.